إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre du Sharh de Al-Usul al-Thalatha de Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, qui s'intitule Idhaf al-Uqul, bi Sharh al-Thalatha al-Usul. Et on est arrivé donc, on est toujours dans le deuxième fondement, qui est l'explication de la religion. Qu'est-ce que l'islam et ses preuves? Et on était en train d'expliquer les six piliers de la foi, parce qu'on expliquait le deuxième degré de la religion de l'islam, qui est Al-Iman. Et on explique parmi les éléments qui font partie de ces six piliers, le dernier des six piliers, qui est Al-Iman ou Bil-Qadar. Al-Iman ou Bil-Qadar, Khairihi wa Sharrihi. Au dernier cours, on a terminé en expliquant les quatre degrés de la foi en Al-Qadar. Les quatre degrés de la foi en Al-Qadar. Et on a expliqué que ces quatre degrés sont al-ilm ou al-kitabatu ou al-mashi'atu ou al-khalq, c'est-à-dire la science, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala connaisse tout dans le passé et dans l'avenir, et il connaît tout ce qui a existé, et même ce qui n'a pas été. Et si cette chose aurait existé, comment elle aurait été? Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses et il sait tout éternellement. Et il mentionne également comme deuxième degré le degré de Al-Kitaba, c'est-à-dire le fait de croire que tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toute la création, toute la destinée de toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre. Et comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et le cheikh, il mentionne ensuite le troisième degré parmi les degrés de la foi en la prédestination, c'est le degré de al-mashi'a, c'est-à-dire comme le cheikh il l'a mentionné, masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Donc rien ne peut exister excepté par la permission et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième degré de la foi en la prédestination, c'est le degré de la création, al-khalq, c'est-à-dire que tout ce qui existe de bien ou de mal, c'est Allah qui l'a créé. Tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les actions des créatures, c'est Allah qui les a créées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon. Allah vous a créé, et ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum. Donc, est-ce qu'il y a un créateur autre que Allah? Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est très important parmi les quatre degrés de la foi en Al-Qadar, et que si quelqu'un ne croit pas en ces quatre degrés de la foi en la prédestination, il n'a pas cru réellement en la prédestination. Il faut absolument croire en ces quatre degrés. Le cheikh il mentionne également ensuite, il dit وهذا التقسيم يسميه أهل العلم القدر العام أو القدر الإجمالي. Donc ces quatre degrés, c'est ce que les ulama appellent la prédestination générale, hein, la prédestination qui est globale. Il dit وهل ثمة مراتب تفصيلية للقدر وما هي القدر ينقسم إلى قسمين عام عام إجمالي عام إجمالي وتفصيلي فالعام الإجمالي هو ما تقدم يعني بقي القدر التفصيلي وقال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره وتفصيل العلم والكتابة ينقسم إلى ثلاثة مراتب وبقية المراتب متفرغة أو متفرعة عن العلم والكتابة وموافقة للعلم والكتابة موافقة للعلم والكتابة. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a donc comme on a mentionné la prédestination qui est générale et globale. Et ça, c'est ce qu'on a mentionné, les quatre degrés. Et il y a également la prédestination qui est détaillée. Et donc, il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres également parmi les ulama ont détaillé en ce qui concerne la science et l'écrit, la science, la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'écrit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est tout écrit, et il mentionne que cela se divise en trois degrés. Et le reste des degrés découle donc de cette science et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est tout écrit et qui est en accord avec la science et ce que Allah a écrit de la prédestination. Donc il dit que ces degrés-là sont divisés dans les trois catégories suivantes. Al-Umari, wa al-Hawli, wa al-Yawmi. C'est-à-dire que la prédestination de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, on peut aussi le diviser par rapport à la prédestination de qu'est-ce que Allah a prédestiné pour nous durant toute notre vie, ou bien qu'est-ce qu'il a prédestiné également pendant l'année et qu'est-ce qu'il a prédestiné pendant le jour. Donc tout ça, bien entendu, ça découle de la prédestination générale, hein, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table préservée et qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a écrit dans Allah al-Mahfouz. De ça, hein, il est possible de tirer ce que Allah a prédestiné pour nous pendant une année et pendant notre vie entière, pendant une année ou pendant un jour, hein. Et donc il va expliquer ça en détail. Il dit فَالْعُمُرِي ما يجري على الإنسان في عمره حين يخلق حتى يموت. C'est-à-dire que quand on parle de la prédestination d'une vie, eh bien ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire pendant la vie d'une personne depuis le moment où il est créé jusqu'à sa mort. فإنما قدره الله على الإنسان أو له قبل خلق السماوات والأرض يفصل منه ما يخص الإنسان المعين مدة عمره وسواء كان عمره طويلا كمئة سنة أو قصيرا كما شاء الله من السنين والشهور والأيام. Donc le cheikh il dit, donc si Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné pour une personne ou à une personne avant la création des cieux et de la terre, hein, il a prédestiné pour lui quelque chose, eh bien on peut tirer ou extraire de cette prédestination là générale, yani ce qui est spécifique à la personne en question, hein, pour la période de sa vie, peu importe la durée de sa vie, qu'elle soit longue comme par exemple 100 ans ou qu'elle soit courte, c'est-à-dire ce que Allah a voulu d'années, de nombre d'années ou de mois ou de jours. Et donc le cheikh il dit bima'na anna kull insan qabla wiladatihi yani yufsalu ma yastahiquhu min al-qadar al-'am fulan min an-nas kam 'umruhu مثلا 100 سنة حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح المحفوظ الذي كان فيه وكل شيء يقدر له نصيبه يعني كل شيء يقدر له نصيبه منه نصيب ذلك الإنسان من خير وشر ورزق وكل شيء فلا يفوت شيء. Donc le cheikh il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, avant sa naissance, on va tirer ce qui lui revient et ce qu'il mérite de ce que Allah a prédestiné dans la prédestination générale. Donc par exemple, telle personne en particulier, parmi les hommes ou parmi les femmes par exemple, qu'est-ce qu'il aura comme durée de vie? Par exemple, 100 ans. Au moment où l'ange vient pour souffler l'âme en lui, eh bien, on extrait de la, on va, l'ange reçoit la part de ce qui est mentionné au sujet de sa prédestination dans la table préservée, et qu'est-ce qui a été prédestiné pour lui en particulier, et tout ce qui a rapport avec sa part de la prédestination, tout ça, ça lui est attribué à ce moment-là, au moment où l'ange vient souffler l'âme dans son corps. Et donc, il a sa part de ce qui a été prédestiné pour lui, de bien ou de mal ou de subsistance. Et il n'y a rien qui lui échappe de cela. Et donc, Cheikh, il mentionne à ce sujet la preuve de cette division ou cette catégorisation détaillée de la prédestination. En citant, il dit ودليل هذه المرتبة وهي التقدير العمري حديث ابن مسعود وهو حديث الصادق المصدوق يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Il dit que la preuve de ces degrés, c'est-à-dire de cette prédestination pour la, par rapport à la durée d'une vie de d'une personne, c'est tiré du hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le hadith de As-Sadiq al-Masduq, lorsqu'il explique la parole, lorsqu'il mentionne que l'ange descend sur lui, l'ange est envoyé vers la personne lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, lorsque c'était un fœtus, l'ange descend vers lui et on souffle l'âme en lui. À ce moment-là, l'ange va souffler l'âme en son corps. Et l'ange sera ordonné à ce moment d'écrire quatre paroles, ou quatre choses. C'est-à-dire d'écrire sa subsistance, d'écrire son terme, c'est-à-dire la durée de sa vie, d'écrire ses œuvres, qu'est-ce qu'il va faire comme action, comme œuvre, est-ce qu'il fera les œuvres des gens du paradis ou les œuvres des gens de l'enfer, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Donc tout ça est écrit à ce moment-là, au moment où l'ange vient souffler l'âme dans son corps. Après le cheikh il dit وَهَذَا التَّقْدِيرُ الْعُمْرِ أُخِذَ مِنَيْنْ أُخِذَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ أُكْتُبْ فَقَالَ مَاذَا أَكْتُبْ قَالَ أُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ إِذًا هَذَا الْإِنْسَانُ الذي نفخت فيه الروح ما يخصه جديد أم أزلي ما يخصه جديد أم أزلي الجواب أزلي ولكن فصله فصله أو فصله ما يخصه جديد فالذي تغير ليس علم الله ولا كتابته ولكن الذي تغير علم الملك فلان أكتب له كذا من الرزق وكذا من العمر وكذا من جميع معايشه ومصالحه وما يجري عليه من خير وشر. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la prédestination pour la vie d'une personne, lorsque l'ange vient souffler l'âme dans son corps, de où est-ce que cette prédestination là est prise? Et le cheikh explique que ça c'est tiré de la table préservée. Et que la table préservée, bien entendu, elle a été écrite avant la création des cieux et de la terre, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et le cheikh explique que ça, c'est selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la plume, hein, la plume par laquelle Allah a écrit les, la destinée de toutes les créatures et de toute la création, il dit, le cheikh, que comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad à ce sujet-là et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Dhilal al-Sunnah, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit écris. Il a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a demandé, que dois-je écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, écris les destinées de toutes choses. Écris les destinées de toutes choses. Et donc, le cheikh explique que cette personne, cet être humain, dans laquelle on va, le fœtus dans lequel on va souffler l'âme, hein, qu'est-ce qui lui revient comme prédestiné? Est-ce que c'est nouveau ou c'est éternel? Hein? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est prédestiné comme étant quelque chose de nouveau à ce moment-là, au moment où l'âme est soufflée, ou bien c'est quelque chose qui a été prédestiné auparavant et éternellement? Et le cheikh, il explique que ça, c'est quelque chose qui a été prédestiné éternellement. Et il explique que, toutefois, on a extrait ou on a tiré de ce qui a été prédestiné dans la table préservée et on lui attribue, hein, et c'est cette attribution-là qui est nouvelle. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, elle ne change pas, ni ce qui a été écrit dans la table préservée. Ce qui a été écrit dans la table préservée ne change pas non plus. Ce qui change en réalité, c'est la connaissance de l'ange, hein. C'est la connaissance de l'ange et ce qu'elle vient pour écrire, hein, pour cette âme-là comme subsistance, comme durée de vie et tout ce qui lui a trait par rapport à sa vie et ses intérêts et tout ce qu'il aura comme bien ou comme mal. Donc le cheikh explique ensuite en ce qui concerne la prédestination annuelle, il dit wal martabatu thaniya min al qadar al tafsili al taqdir al hawli وهذا وقته ليله ليلة القدر وهذا وقته ليلة القدر وكيفيته أنه يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص سنة بعينها من ليلة القدر يعني مثلها من العام القادم يعني ليلة القدر معلوم أنها من أوتار العشر الأواخر من رمضان يعني يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص السنة إلى مثلها فما يخص سنة كذا يفصل ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم ودليله قوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في هذه الليلة وما معنى يفرق يعني قال أهل العلم يفصل من اللوح المحفوظ. Donc le cheikh il explique que le deuxième degré, c'est le deuxième degré de la prédestination détaillée, c'est la prédestination annuelle, et il dit que le moment de cette prédestination là, quand est-ce qu'elle est établie ou quand est-ce qu'elle est détaillée, c'est au moment de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et de quelle manière? Eh bien le cheikh il l'explique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que qu'est-ce qui a été écrit dans la table préservée et qui est spécifique à l'année en question, soit extrait donc de cette prédestination générale là et qu'elle est mentionnée par rapport à cette année en particulier à partir de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, et jusqu'à l'année suivante. Et il dit que la nuit de la destinée, qu'on appelle Laylatul Qadr en arabe, elle est connue comme étant une des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan, hein? Et pendant cette nuit là Allah subhanahu wa ta'ala il extrait donc cette année cette qu'est-ce qui a été mentionné dans la table préservée comme prédestination pour l'année en question et qu'est-ce qui lui est particulière ou spécifique et qu'est-ce qui va arriver pendant cette année-là jusqu'à l'année suivante. Et il dit وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةٍ. Donc la preuve de ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit au début de Surat al-Dukhan, les versets 1 à 4. Et donc on va lire ces versets-là et on va donc comprendre qu'est-ce que cela signifie, c'est-à-dire cette prédestination annuelle dans Surat al-Dukhan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets Hamim, et il dit ce qui signifie par le livre, c'est-à-dire le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, c'est-à-dire la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Hein? Et le cheikh explique yufraqu, ça signifie durant laquelle yani Allah subhanahu wa ta'ala il détaille ce qui a été écrit dans les tables préservées. La table préservée. Après, il mentionne le troisième degré de cette prédestination détaillée. Al-martabatu thalitha, at-taqdiru al-yawmi, la prédestination quotidienne. Et il dit, يعني ما يخص اليوم بعينه, c'est-à-dire ce qui est spécifique au jour en question, hein, en particulier. Et il dit ensuite, وهذا دليله في قوله تعالى كل يوم هو في شأن, يعني يعز ويذل, يحيي ويميت, يعطي ويمنع, يفقر ويغني, يرفع ويخفض. Donc le cheikh il dit la preuve à ce sujet, c'est le verset 29 dans sourate Ar-Rahman, le verset 29 dans sourate Ar-Rahman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que chaque jour, hein, il fait quelque chose. Chaque jour, il est occupé à quelque chose. Et c'est le verset 29 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Et l'explication de cette œuvre nouvelle, c'est que il élève, hein, il donne la puissance à certains et il humilie d'autres. Il donne la vie à certains et il fait mourir d'autres. Il donne à certains et il empêche à d'autres. Il rend certains pauvres tandis qu'il enrichit d'autres. Et il élève certains tandis qu'il rabaisse d'autres. Donc ça, c'est l'exemple des actes que Allah subhanahu wa ta'ala fait chaque jour. Et il dit comme exemple, Cheikh, مثلاً, فلانٌ من الناس علم الله اسمه وأمه وأباه وقبيلته وكل ما يجري عليه وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ متى هذا قبل خلق السماوات والأرض وهذا يسمى تقدير عام تقدير عام وإذا نفخ الروح في هذا فلان ابن فلان يعني فصلاة ما يخص عمره هذا فلان الذي علم الله عنه كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ إذا نفخ فيه الروح يعني يفصل ويكتب ما يخصه في عمره كم سنة 100 سنة 200 سنة 10 سنين 500 عام 10 أيام 100 شهر يعني ما قل وما كثر من عمره الكون كله علمنا أنه يعني علمه الله سبحانه وتعالى علم ما يجري في الكون كله ليس شيء جديد على الله سبحانه وتعالى فهذا يجب أن يؤخذ قاعدة حتى لا ينفرط عليكم معرفة القضاء والقدر فإنه ليس بابا سهلا بل هو باب شائك لكن من ضبط مراتبه سهل عليه. Donc le cheikh il dit, par exemple, une personne parmi les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il connaît son nom, il connaît le nom de sa mère, il connaît le nom de son père, il connaît le nom de sa tribu, et il connaît tout ce qui lui arrive, et tout ce qu'il va lui arriver. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela dans la table préservée. Quand est-ce que cela est-il, quand est-ce que Allah a-t-il écrit cela? Avant la création des cieux et de la terre. Et c'est ce que nous appelons la prédestination générale. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'âme de cette personne soit soufflée dans son corps au moment où il est dans le ventre de sa mère, hein, un tel, fils d'un tel, eh bien, on va spécifier et tirer donc sa prédestination qui est reliée spécifiquement à sa vie, à lui en particulier, et l'ange va écrire ça. Ensuite, le cheikh, il dit donc, cette personne dont Allah a connu tout, hein, qu'est-ce qui lui a trait, tout ce qui est relié à sa vie, à son existence, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ça, bien entendu, dans la table préservée, comme on l'a dit, et au moment où l'âme est soufflée dans son corps, cela est détaillé pour lui et écrit, hein, d'une manière qui lui est plus particulière par rapport à toute sa vie à lui, pendant qu'il va vivre, pendant son existence, par exemple, combien d'années il va vivre. Est-ce que c'est 100 ans? Est-ce que c'est 200 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 5 jours? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est 100 ans? Yani, tout ça, yani, que ce soit plus ou moins parmi les jours, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est écrit et tout ça c'est mentionné. Et il dit que en ce qui concerne toute la création et l'univers, eh bien, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a su tout ce qui se produit dans l'univers et dans la création, et que il n'y a rien de nouveau pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est obligatoire pour nous de le savoir et de prendre ça comme une règle générale dans la religion, pour que notre connaissance de la prédestination et du décret divin ne soit pas yani quelque chose qui se mélange pour nous et ne soit pas quelque chose de confus pour nous. Parce que le cheikh, il dit que ce n'est pas un sujet facile, et que c'est un sujet qui est parfois assez compliqué et subtil, mais une fois qu'on a bien compris les règles et les degrés du qadar, eh bien ça devient facile par la suite. Donc ça, c'est la vérité. Qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici? C'est clair que une fois qu'on a compris les degrés du qadar, et qu'on a compris les principes et les règles de ces règles-là, eh bien ça devient facile pour nous par la suite de les comprendre, et ça facilite également de ne pas s'égarer à ce sujet-là. Si on se limite et qu'on s'arrête à ce que Allah a mentionné ainsi que son messager, et on s'arrête à ce que les textes ont dit, et en même temps on revient à la compréhension des salafs à ce sujet-là, et qu'on ne dépasse pas ça, et bien c'est clair que ça devient facile par la suite. Et le cheikh, il explique et il dit: الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حدوثها وماذا أيضا كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. يعني كتب في اللوح المحفوظ كتب في اللوح المحفوظ وفق علمه وكل شيء يجري وفق علمه وكتابته. فنحن بينا لكم التقدير العمري، أي ما يخص كل إنسان في عمره، هو ما هو يعني ما أي ما يخص كل إنسان في عمره هو في خاصة نفسه. Donc maintenant le cheikh dit, maintenant on a su que yani on a compris que Allah il a la connaissance de toute chose avant que cette chose se produise. Donc il sait tout avant même que la chose en question se produise. Également, on sait que Allah a tout écrit dans la table préservée. C'est-à-dire qu'il a écrit tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps dans la table préservée selon sa connaissance. Et il dit, et toute chose se produit uniquement selon la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que selon ce qu'il a écrit. Et donc, nous avons expliqué la prédestination par rapport à la vie d'une personne, et qu'est-ce qui lui est particulier. Et ça, c'est qu'est-ce qui lui arrive à lui en particulier, à sa personne en particulier. Et en ce qui concerne la prédestination, ensuite, il dit pour l'année, il dit « أَمَّا التَّقْدِيرُ الْحَوْلِ فَهَذَا مَا يَجِرْ فِي الْكَوْنِ خِلَالَ سَنَةٍ يفصل للملائكة الموكلين به سنة كذا من ليلة القدر إلى مثلها يجري فيها كذا وكذا. Donc il dit, en ce qui concerne la prédestination annuelle, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qui allait se produire pendant une année dans l'univers, et que les anges détaillent, hein, les anges qui ont été chargés de noter ça, eh bien eux, ils vont noter ça pour l'année en question. Et il dit, c'est pendant la nuit de la destinée, par rapport à partir de cette nuit-là jusqu'à l'année suivante. Tout ce qui va se produire dedans, dans cette année, va être écrit. Et ensuite, la prédestination quotidienne, c'est-à-dire tout ce qui se produit dans la création. Il dit « كَذَلِكَ مَا يَجْرِي فِي الْكَوْنِ كُلِّهِ وَمِنْهُ الْإِنسَانُ وَالْحَيَوَانِ حَتَّى الذَّرَّةِ يعني هذا ما ألهمنا الله عز وجل وفتح به علينا في باب القضاء والقدر. Donc la prédestination quotidienne, c'est tout ce qui se produit dans la création ce jour-là, et parmi cela, bien entendu, ce qui arrive aux hommes ou aux animaux ou même les atomes dans la création. Et il dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidé à comprendre, et c'est ce qu'il nous a donné comme compréhension au sujet de la prédestination, du qadar et de al-qadar, c'est-à-dire du décret divin et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est en ce qui concerne al-qada ou al-qadar. Naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le cours de al-usul al-thalatha. On continuera au prochain cours la suite de ça, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.